maintenant ça va, mon âme, mon savoir, péché sans pouvoir au carouage, gros, ça cravage, survêtement, pas de cravate, j'ai charrié à l'aider. Cavale, mon plan s'est fait tout seul, j'ai poche de bœuf et du seum, je mets le piment, rajoute le sel, dans le cœur, plaie qui saigne, ramène le chèque qu'on consigne, simple conseil, pour le pour concert. Ramène le chèque qu'on consigne, simple conseil, pour le pour concert. Yadaline, je me sers, lobby bosseur, n'a une tête d'hiver, fuck que la misère, changer d'hémisphère, lobby bosseur, n'a une tête d'hiver, fuck que la misère. Tu sens le mécanisme, fais pas le beau sale du pointeur qui est statue banaf des gamines. Dans le Bundy ça roule des bords, ça touche pas la kétamine. Penalty faut pas louper, demande à Ibrahim. Y'a ta go dans mes bras, sous les draps plutôt caline. Gros famas dans quel bar, elle veut que j'y cherche le calibre. Sur le terrain, joue perso, car je veux gagner le calif. Le terre est bon pour le détailler, j'ai même pas besoin de chauffer le canif. J'aime les thunes, désolé, sur ma vie j'ai trop zoné. Mes études, j'ai le passé, fond de la classe pour des cuvées. J'aime les thunes, désolé, sur ma vie j'ai trop zoné. Mes études, je l'ai passé, fond de la classe pour mieux rouler. Expérimental, expérimental. Quand t'as pile mental, j'suis bilatéral, t'inquiète, j'baise en latéral, en verticale, elle t'a cette petite joie, aime ta femme, mode qui tes soins, elle déclare des faces de mes sons, de toi à moi nous connaissons, des bails bizarres nous connaissons, quoi, j'fume ce terre, mais ça c'est du com, plus c'est un cas d'école, question réponse, y'a pas de colle, cette fois-ci, y'a la biche créole, que tu m'as dit au lait, quand je te ris au nez, pour ta longue gondole, quand t'as semé au lait, quand t'as semé sur le lit, j'ai du champagne dans ma cour, j'ai du champagne dans ma cour, j'ai du champagne dans ma cour. On consomme, hey, oh, la vie prend, oh, hey, la vie prend, on consomme, pour la drogue, le médecin consulte, hey. Dans notre tête, les ressemblent, oh. Si ça va pas, je finis pas consultant. J'ai tapé cette tasse, t'étais consentant. Si t'es pas là, un peu, c'est consentant. Nina harcèle sans tel constamment. J'suis de près, ton attitude, c'est consternant. Non, je me sens pas concerné. Non, non, tu peux pas cerner. Hey, j'ai des cernes sous mes yeux, des poches. Hey, pendant que mon holo me sert des poches. Oh.